Les droits de l'homme affectent ma vie personnelle parce que depuis mon engagement 2016, j'ai été arrêté 4 fois. Je fais la prison 4 fois. Les 3 premières fois, c'était des prisons normales où on m'arrêtait par la police. Je partais au tribunal, on me jugeait, on me condamnait. Mais la 4e fois, j'ai été arrêté par les agents de renseignement. J'ai été détenu au secret, gardé dans une prison privée où je n'avais pas le droit de voir ma famille ni d'avoir accès à un avocat. J'ai été détenu au secret pendant 21 jours. J'ai été torturé parce que la nuit, on me retirait de la cellule. J'avais les pieds enchaînés, les mains menottées et on mettait du puma sec dans des sachets où on me mettait sur la tête. Et j'agonisais au fur et à mesure. On arrosait avec de l'eau pour pouvoir m'interroger. Donc, j'ai subi des subices corporels, psychologiques, qui ont atteint difficilement ma vie. Et à cause de mon engagement, j'ai eu des problèmes à l'université où je n'ai pas pu continuer avec les études. Et aujourd'hui, il est aussi difficile pour moi d'avoir un emploi parce que le gouvernement contrôle le secteur et tout est ficelé. Il est difficile même pour les entreprises privées de nous recruter, mes camarades et moi. Donc, notre engagement a beaucoup affecté notre vie personnelle. Mais néanmoins, nous avons l'espoir et cette difficulté nous ont revigorés afin de continuer encore ce combat pour que nous puissions arriver à un résultat final, un résultat séduisant, un résultat qui peut redonner le sourire, un résultat qui peut permettre d'arranger la situation, un résultat qui peut permettre d'améliorer la situation des droits humains, pas seulement au Tchad, dans mon pays, en Afrique centrale, dans toute l'Afrique et partout ailleurs dans le monde.